Le ruban bleu par Jean Mauclair. Le paquebot City of Liverpool courait vers l'Europe. Les 40 000 tonnes de son énorme masse s'enfonçaient allègrement dans la nuit, et son étrave, haute comme une tour, taillait imperturbablement les vagues dont l'impuissante colère s'effilochait en larmes d'écume contre la muraille d'acier. Mr. Edwin J. Murray, esquire et commandant du navire, entra dans la chambre de navigation où veillait son officier de quart. Il consulta, d'un regard expert et rapide, les cadrans des appareils de conduite qui luisaient comme des yeux blancs dans la pénombre et déclara au lieutenant « Allez au lit, Brisbane, et faites aussi reposer Tremming et Lasley et les autres tous. Ce soir, c'est moi qui mène la chère vieille chose. » « Vous prenez vous-même le premier quart, commandant ?» demanda le jeune officier surpris. L'autre eut un de ces rires pleins de jovialité qui s'extrait volontiers du coffre d'un Anglais haut de 6 pieds, large à proportion, lorsqu'il a bien dîné et que le brandy était de qualité. Mr. Murray jeta son cigare et annonça. « Je prends l'entière nuit. Je gagne le ruban bleu, vous comprenez ?» Oui, Brisbane comprenait. Le ruban bleu, c'est, depuis que la navigation à vapeur a maîtrisé l'Atlantique, l'emblème du record de la rapidité avec laquelle l'océan est traversé. Toutes les compagnies guettent perpétuellement le précieux challenge. Sa possession, c'est la fortune aussi bien que la gloire, car une publicité retentissante draine savamment le public de luxe sur le navire qui, de haute lutte, vient d'arracher le ruban bleu au rival le détenant. De temps en temps, un capitaine, sûr de son bateau, plus sûr encore de soi, jette son bâtiment en une effrayante ruée. Formidable cette bataille contre le temps, contre la mer, contre le ciel. Dure une dizaine d'heures. Parfois plus, parfois beaucoup moins, suivant les possibilités de celui qui tente l'aventure. S'il réussit, sa compagnie le remercie de cette façon sonnante et trébuchante, peu glorieuse, mais point méprisable, par quoi a coutume de s'exprimer la gratitude britannique. S'il échoue, le capitaine malheureux se ramasse, se recueille, comme le lynx se met en boule, avant de recommencer à bondir. Le petit lieutenant sentit une immense fierté l'envahir. Il salua son chef et descendit l'escalier de la passerelle. Murray, penché sur le téléphone, ordonnait déjà aux machines de pousser leur feu. Sur le pont, Brisbane interrogea le ciel pur et la mer tranquille. Rien en vue que les étoiles cloutant le velours noir de la nuit. « Go ahead, on pourrait marcher. » Or, l'espace n'était pas aussi vide que le pensait l'officier. Il y avait quelque part là-haut une grosse mouche vrombissante qui s'avançait vers l'Amérique. À 1 000 mètres d'altitude, aux prises avec les remous et les trous d'air, il se trouvait un petit mécano de France qui essayait, tout seul, de traverser l'immense plaine moirée. Crispé sur ses commandes, les dents serrées, la volonté tendue, Robert Vernier tentait la redoutable entreprise sur l'hydravion que, pendant des semaines, il avait préparée avec amour. Depuis une 20aine d'heures, l'aviateur bolait, tous les espoirs éveillés en lui. Et tout à coup, le ronronnement régulier de son moteur défaillit. Des trous hachèrent l'harmonie conquérante en plissant le ciel. Tout ce que le jeune homme désespéré essaya fut vain. En peu de minutes, la perte de vitesse le précipita vers le champ liquide qui se rapprochait, avec une hallucinante rapidité. Cependant, la mer étant calme, l'oiseau vaincu amerrit dans d'assez bonnes conditions. Vernier alluma ses feux de position. Dérisoires gouttes de lumière dans l'immensité nocturne. Et faisant à force d'énergie taire son anxiété, l'aviateur s'efforça d'attendre avec patience que le jour lui permît de réparer son avarie ou de se signaler à un passant. La nuit, il n'y avait rien à espérer. Ce fut l'instant que le projecteur du City of Liverpool, allumé pour éclairer la route du paquebot lancé à toute allure, captura dans sa nappe éblouissante l'hydravion blessé, barbotant sur les vagues comme un moucheron dans une écuelle. Le spectacle présenté par l'épave ne troubla guère Edwin J. Murray, quand sa jumelle le lui fait apercevoir. À cette distance, il prit l'appareil pour une barque désemparée. Un pêcheur en difficulté, voire en péril par la faute de son imprudence, cela peut-il compter, je vous le demande, quand on poursuit le ruban bleu? Sans dévier d'un pouce de sa route, le commandant du paquebot avançait, bien résolu à ne pas perdre un quart d'heure pour s'inquiéter de ce maladroit. D'autres bateaux s'approcheraient bien, et qui ne chercheraient point à établir un record. Pour lui, Murray, une minute en ce moment, c'était beaucoup plus qu'un homme. Il passerait. Tout à coup, un voyageur parut dans la chambre de veille, longue robe noire que Murray salua d'un coup de menton sans plaisir. Que venait faire là ce jésuite français, modeste passager des secondes? Un malaise prit le commandant. On eût dit soudain que son dernier verre de brandy lui pesait sur le cœur. « Commandant, s'écria le prêtre essoufflé par sa montée rapide, il y a un homme en perdition sur la mer. »« Well, grogna Murray, quelle chose est-ce là pour moi? Mais il faut mettre en panne, envoyer un canot au plus vite. » L'officier haussa les épaules, il confia. « Je cours pour le ruban bleu. » Alors vous comprenez, un homme. » Ces paroles se perdirent dans le grondement sourd qui montait des turbines, tournant avec furie. À tout instant, le timbre des machines grelottait, annonçant les tours des hélices affolées. Devant l'étrave, de gigantesques vagues se creusaient, se retroussaient, taillées par le soc d'acier. L'abbé s'épouvanta. « Ce chrétien en danger mortel, il faut le sauver, au nom de Dieu qui nous entend !» Il posa la main sur la manche galonnée que l'anglais secoua en grommelant. « Laissez-moi, je vous dis !»« Vous savez, je cours pour le ruban bleu, c'est tout !» Déjà l'épave, doublée, se dissolvait presque dans la nuit. Le prêtre, broyé d'angoisse, eut une inspiration. « Au nom de votre mère, commandant, pensez à la maman de celui que vous condamnez !» La maman. Sa maman, lui, meurait. Le géant chancela comme frappé au cœur. Il revit la bonne femme du Sussex qui lui apprêtait son porridge, quand il n'était encore qu'une nuisance de petit garçon acharné à barboter dans les mares. Il eut, lui, l'homme rassis par excellence, une sorte de vertige, où se mêlait, dans une tempête d'ambition dégrisée, le cher vieux visage de sa mère, l'homme inconnu qu'il appelait à s'embrasse, et un ruban bleu en fuite dans d'inaccessibles nuées. Et posant sur le père un regard tout pétri de soumission et de colère, Edwin J. Murray hurla dans son téléphone « Stop !» C'était « Le ruban bleu » de Jean Mauclerc.